va parler de basketball avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien. Pascal, écoute, les Celtics de Boston. Les Celtics de Boston mènent 2-1. C'est un match pivot ce soir. Le match 4, c'est toujours un match pivot. C'est un match important. Tu connais ça, Danny, depuis des années, là, que ce soit de hockey, basket. Quand c'est des 4 de 7, tu as une équipe qui mène 2-1. Soit que les Warriors retournent à Golden State avec une égalité. Donc, ils récupèrent l'avantage du terrain, sauf que Boston, en gagnant le premier match, ont évolué l'avantage du terrain. Donc, en ce moment, si Boston gagne ce match-là, on se retrouve 3-1. Et là, après le match de ce soir, c'est un match à Golden State, un match à Boston et le match numéro 7 à Golden State. Fait que Boston, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est gagner ce soir, probablement jouer un match. Si on le gagne, on gagne le championnat à Golden State, sinon on revient. Fait qu'on parle toujours de fermeture de série. Fait que si l'équipe qui se retrouve 3-1, ils ont besoin d'un match puis c'est fini, là, tu comprends? Parce que là, les Warriors ne veulent vraiment pas se retrouver dans une situation qui retourne chez eux et à Boston pour avoir à égaliser la série et revenir pour un septième match pour gagner. Et là, ce soir, ça va être intéressant de voir est-ce que la grosse question, est-ce que Steph Curry 1 va jouer? Il dit que oui. Parce qu'on se souvient que sa blessure, une sorte de blessure, on ne sait pas exactement est-ce que c'est la cheville ou le genou, vers la fin du match, lorsque Al Horford a comme été pour récupérer un ballon qui était par terre, puis il a comme sauté par terre, mais tout le monde a sauté, donc, et Steph Curry s'est retrouvé en dessous de tout le monde. Donc, ce serait intéressant de voir, un, est-ce qu'il va jouer, deux, si, est-ce qu'il est à 100%. Ben, c'est parce sûr. Que Steph Curry, pas à 100%, Danny, là, je donne pas cher. Du côté des Warriors. Puis j'ai hâte de voir l'ajustement de Steve Kerr. Je trouve que Steve Kerr n'a pas osé jouer deux jeunes joueurs, dont Moody et Kuminga, deux athlètes, deux gars de 19-20 ans. Je pense que Boston, en ce moment, là, domine au niveau physique, au niveau athlétique. Fait que j'ai hâte de voir si Steve Kerr va s'ajuster. C'était une série jusqu'à mouvement. Golden State a complètement dominé les Celtics dans le deuxième match. Les Celtics ont bien joué dans le premier, puis dans le troisième, notre été de Golden State qui a mené pendant un petit bout de temps, mais les Celtics ont mené la large majeure partie du temps. Puis non seulement ils ont mené, Danny, mais si on prend le match numéro 1, les Warriors n'ont pas pris les Celtics au sérieux. Moi non plus en passant. Ouais. Et un quatrième quart, ils sont quand fait dominer. C'est quand même l'équipe, après les fêtes, la meilleure équipe de la NBA. Là. Défensivement. Puis, tu sais, numéro 2 dans la NBA, dernier au niveau des statistiques, défensivement, c'est Golden State. Je trouve que, j'entends les analystes, les commentateurs parler que presque à chaque position du côté de Boston, on est plus grand et plus gros et plus athlétique. Et je pense qu'ils ont raison. Parce que défensivement, Steph Curry, Klay Thompson, que ce soit Jordan Poole, on n'est pas physique, c'est pas des joueurs physiques, ces gars-là, tu vois. Ouais. Et quand tu prends, à part Looney, qui est un gaillard costaud, mais il n'est pas vraiment un joueur qui va te donner 20 points, 10 rebonds. Draymond Green, le match numéro 3, Danny, n'a rien fait. Ouais. On deux points. Pas Wiggins non plus. Deux hein? points. Wiggins a disparu. On voit, c'est un peu méchant ce que je veux dire. Je pense que je t'avais dit que le joueur qui ferait la différence dans la série pour gagner un championnat, c'était Wiggins. Ouais. Techniquement, Wiggins remplace Kevin Durant. On l'a senti dans la série contre Dallas, mais là, il n'est pas vraiment existant, que ce soit défensivement ou offensivement. Il n'affecte pas le match. Non. Il n'affecte pas les matchs. Et tu l'as dit, là, on ne voit pas Wiggins. Est-ce que c'est le Wiggins de Minnesota qui... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la pression de la finale? Ça, c'est une autre chose aussi. Est-ce que je m'excuse, DeMar DeRozan n'a jamais bien performé en finale, que ce soit pas en finale, dans les séries. C'est des joueurs qui ont des saisons phénoménales. Wiggins avait une saison phénoménale. Et là, la pression, parce que le joueur manquant des Warriors, c'est pas Klay Thompson, c'est Wiggins. Oui, effectivement. Klay Thompson, en passant, finit avec 25 points au troisième match. Mais Wiggins, c'est ça. C'est Wiggins, depuis qu'il est arrivé dans la NBA, il montre une chose, c'est le Jonathan Drouin de la NBA. C'est un Jonathan Drouin de la NBA. C'est le gars qui a beaucoup de talent, mais pas capable de traîner une équipe sur son épaule. Puis, c'est pas lui qui fait la différence. Donc, on le voit pas beaucoup. Puis en ce moment, je veux dire, Klay Thompson a connu un bon match. Draymond, on sait ce qu'il devrait être capable de faire. Mais le joueur qui fait la différence, pourquoi les Warriors ont connu une si bonne saison? c'est à cause d'Andrew Wiggins. Ben, effectivement, Et aussi l'émergence de Jordan Poole. Mais Jordan Poole, c'est quand même un bonhomme de 6 pieds 2. Il n'est pas super fort physiquement. C'est une équipe beaucoup plus finesse. Boston est capable de faire plein de choses. Et Boston, ce qui m'impressionne, c'est le tir de 3 points. Ils sont capables de réussir autant que les Warriors, mais ils sont beaucoup plus physiques, sont beaucoup plus tough, attaquent le panier beaucoup plus que Golden State. Fait que Draymond Green doit vraiment se réveiller et Steve Kerr doit faire des changements au niveau de sa stratégie de qui va jouer. OK, donc c'est un gros match ce soir, sinon ça devient une série 2-3. Et qui sait qui, par la suite comment ça peut finir. Je veux parler de Darvin Ham, qui est le nouvel entraîneur-chef des Lakers. C'est vrai que les Lakers, c'est une équipe qui polarise beaucoup. C'était l'adjoint à Milwaukee, donc il vient d'une bonne organisation. Est-ce que c'est un bon choix pour les Lakers? Je pense que la façon que le basket est rendu d'année aux États-Unis, on prend il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont dans ces positions-là maintenant. Okay? Darvin Ham a payé son prix comme assistant coach. Il a même commencé avec les Lakers en passant. Mike Brown avait emmené Darvin Ham comme assistant à Los Angeles. Ensuite de ça, Darvin Ham s'est joint avec Mike Budenholzer à Atlanta. Il a suivi à Milwaukee, donc il fait partie de l'équipe qui a gagné un championnat NBA. Comme joueur, Darvin Ham a gagné un championnat avec les Pistons de Détroit à l'époque. C'était pas une vedette. Tu parles d'Isaiah Thomas. Non, pas Isaiah Thomas. Bien après, tu parles de Chauncey Billups avec Rasheed Wallace. Ah, okay. Isaiah Thomas, ça, c'est les années 90. Ah, Darvin Ham était un peu plus jeune, OK? Et en passant dans la conférence de presse, j'ai aimé ça. Un des reporters, un des journalistes lui a dit « Est-ce que tu sens la pression? Tu es avec les Lakers, c'est une franchise. » Il a dit « Quand j'étais jeune, accidentellement, j'ai reçu une balle dans la face, okay, le fusil. » Il dit « Ça, c'est de la pression. Soit que tu écroules ou soit que tu acceptes ça. » Fait qu'il a dit « Moi, la pression, là, j'ai pas de pression. Je vais venir faire mon travail, je vais me préparer, puis on va se mettre la main à la porte. » Puis moi, je pense qu'il y a déjà le respect des joueurs. Les Lakers, écoute, oui, il y a eu beaucoup de blessés, ce qui explique un petit peu ce qui explique un peu ce qui s'est passé, qui ont raté les séries, mais il y a eu beaucoup de divisions. De l'extérieur, ça semble un country club. Est-ce que tu penses qu'il va falloir une limiter? Là, tu viens de me répondre. Je pense qu'il va premièrement, sa méthodologie, un peu comme avec les Bucks de Milwaukee, c'est que t'as pas un coordonnateur à l'attaque, t'as pas un coordonnateur à la défense, t'as pas quelqu'un qui fait du vidéo. Tout le monde fait tout. Dans les meetings, il est assis avec le préparateur physique, il est assis avec les assistants coach. Tout le monde parle de basket ensemble, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il y a pas de petites conversations à droite puis à gauche. Darvin Ham, ce qu'il a appris de Mike Budenholzer, c'est que tout le monde doit savoir ce qui se passe. Du head coach à presque au garagiste, celui qui rouvre la porte des joueurs le matin qui vont s'atténuer le voiture, tu comprends? Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de différent. Quand on parle dans le sport de culture, c'est quoi la culture de Darvin Ham? En anglais, on dit accountability. Tu dois être responsable de ce que tu fais, mais tout, il n'y a rien qui est caché. Puis il a dit, LeBron doit améliorer sa défensive. Puis lui, il veut commencer avec cette équipe-là défensivement. C'est sûr que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire avec Russell Westbrook. Qu'est-ce qu'il va faire avec la stratégie? Puis il a dit, la clé des Lakers, c'est la santé d'Anthony Davis. Ouais. Anthony Davis, un peu comme Giannis, c'est un top joueur de la Ligue, mais il n'est pas en santé. Est-ce qu'il va être en santé? Est-ce qu'il va être prêt à jouer? Fait que moi, je pense que c'est un très bon choix pour les Lakers pour qu'est-ce qui s'en vient en ce moment. Ben, il vient d'une organisation gagnante aussi. T'sais, il vient des Bucks de Milwaukee. Michael Jordan, exactement. Un des bons entraîneurs de la NBA également. Non, c'est quand même pas... Il n'y avait pas vraiment de vétérans d'entraîneurs disponibles actuellement. Je veux enlever... Frank Vogel est arrivé à Los Angeles. Ouais. Et on était dans la bobo, ils ont gagné un championnat NBA. Que le monde mette un astérix ou non, tu as gagné un championnat NBA. Ouais. Frank Vogel n'est pas un mauvais entraîneur. Mais l'équipe est en santé. Okay. Depuis ce championnat-là, il s'est passé plein de choses. Les blessures de Davis, les blessures de LeBron... On cherche à mettre des joueurs alentour, c'est pas facile, donc ça sera intéressant de voir ce qui va se passer. En ce moment, Westbrook a un contrat pour un an de 45-46 millions qu'il va accepter. Est-ce qu'ils peuvent être échangés, tout ça? Fait que moi, je pense qu'on s'enligne pour avoir Westbrook avec les Lakers. Est-ce qu'il pourrait se passer un échange d'ici la saison commence? C'est peut-être potentiellement... C'est sûr qu'on garde Davis puis LeBron. Je vois pas aucun scénario où ce que LeBron s'en va ailleurs. Est-ce que Westbrook pourrait quitter les Lakers sur un échange, exemple, Kyrie Irving avec les Nets, je te donne un exemple. Ouais. Ça pourrait se faire. Mais moi, je m'attends à voir Westbrook dans un uniforme des Lakers en début d'année. Puis c'est ce que Darvin Ham a dit, puis il va travailler en fonction d'avoir ces trois joueurs-là comme vedettes. Dernier point, l'Alliance, c'est sûr que tu n'as pas été, mais 3100 personnes encore l'autre jour. C'est vraiment, c'est encore impressionnant de voir les c'est, hein? C'est vraiment le fun de voir le support. Le timing de la saison était excellent. Il y a beaucoup moins de compétition pour c'est quoi le spectacle à Montréal de sport en ce moment? C'est les Alouettes qui vont recommencer. C'est pas nécessairement les mêmes fans. Les Canadiens ne sont plus là. Fait que je pense que c'est le fun de voir qu'on maintient là, les au-dessus de 3000 spectateurs à chaque match. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Faut juste qu'ils continuent. Là, je pense qu'on est 2-2 en ce moment au milieu de la Ligue. C'est sûr qu'à Montréal, on aime ça un gagnant. Hein? C'est comme, mais je pense que c'est un très bon début. Là. C'est vraiment intéressant. Ouais. Le Matrix, c'était à l'hiver? Le Matrix puis les Cavs. Ouais, on jouait pendant l'hiver, donc c'était. Au début du Matrix, Danny, j'avais près de 2500 par match. Puis ça a baissé. La moyenne était quoi? 1500? Ouais, mais on a bien commencé. J'avais vendu beaucoup de billets au début, mais le problème du Matrix à l'encontre de l'Alliance, c'est le manque de sérieux de la ligue. Ouais. Tandis que là, c'est tout le contraire. Le problème, c'était pas le Matrix. Le problème, c'était. On doit changer une date parce qu'une équipe se présente pas. On est net sur la route, puis des fois, on perdait notre temps. Fait que c'est pas évident. C'était pas. Et puis la ligue était. Là, c'est une ligue sérieuse qui respecte tout le monde du directeur général au dernier joueur de l'équipe. T'sais, il y a une belle stratégie. Tout était fait là, puis c'est une belle amélioration. Le Matrix, j'en suis. Je vais toujours être fier de ce que j'ai fait avec le Matrix. Mais l'Alliance est à un autre niveau. Ouais. OK. Pascal, on s'en reparle la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Dani. À bientôt. De Pascal.